Y'a des jours où j'ai envie de tout jeter par la fenêtre. J'aimerais être comme le phénix, avoir le pouvoir de renaître. À force de trop rêver, j'en fais des cauchemars. Mon horloge est déréglée, j'ai plus des cernes mais des coquards. Y'a des jours où j'ai envie de tout jeter par la fenêtre. Surtout les hypocrites, les langues de vipère et les traîtres. À force de trop parler, y'a plus de temps pour réagir. On voit les années défiler, défigurer notre avenir. Je me rappelle l'époque du lycée où je suis parti en couille, les yeux plissés au fond de la classe. J'écoutais jamais rien en cours. J'commençais à gratter des petits bouts de rimes sur le papier. J'avais que le rap dans la tête, nique sa mère mon BEP. Mais je me suis barré diplômé, le sourire au bord des lèvres. L'éducation nationale déplumée par un mauvais élève. J'aimais que les rédactions, les récréations au collège. L'écriture est devenue ma passion et j'peux plus m'en passer. J'agite ma plume tous les jours, j'connais pas l'overdose. Y'a un mélange de haine et d'amour dans chacune de mes proses. La sincérité que j'éprouve, la vérité que j'apporte. Dévissera beaucoup d'écrou, fracassera plus d'une porte. Qui boycotte, qui supporte, qui sont mes ennemis et mes potes. 2009 c'est la carotte, on vit dans un monde de bulles. Mettre sa famille à l'abri, aujourd'hui c'est ce qui compte le plus. Pour faire du blé, j'ai jamais attendu le bus. Y'a des jours où j'ai envie de tout jeter par la fenêtre. Où j'aimerais être comme le phénix, avoir le pouvoir de renaître. À force de trop rêver, j'en fais des cauchemars. Mon horloge est déréglée, j'ai plus des cernes mais des coca. Y'a des jours où j'ai envie de tout jeter par la fenêtre. Surtout les hypocrites, les langues de vipère et les traîtres. À force de trop parler, y'a plus de temps pour réagir. On voit les années défiler, défigurer notre avenir. J'ai des plaies sur au cœur qui ne sont pas refermées. Me parle pas d'un psychologue ni de me faire interner. Je résoudrai mes problèmes moi-même, j'ai besoin d'aucune aide. Mes toxiques soucis me rongent, je ne volerai que du nez. Je garde la tête sur les épaules malgré cette putain d'époque. À tout prix, faut esquiver la tôle, éviter les faux potes. Choisis bien ton entourage ou tu vas bien te faire enculer. Mes yeux sont remplis de rage, tu ferais mieux de reculer. 22 piges à mon compteur, mes erreurs je peux pas les compter. J'ai du mal à réfléchir avant d'agir ou parler. Je suis un de ces jeunes qui fument la marijane avec le chétan. Fier quand Paris gagne et quand l'OM se rétame. J'ai les pensées obscurcies, le crâne endurci. Le péché me poursuit et mon âme est en sursis. Je dérive dans des couloirs où l'horizon est tout noir. Que Dieu me délivre, qu'il m'aide à redresser la barre. Y'a des jours où j'ai envie de tout jeter par la fenêtre. Où j'aimerais être comme le phénix, avoir le pouvoir de renaître. À force de trop rêver, j'en fais des cauchemars. Mon horloge est déréglée, j'ai plus des cernes mais des coca. Y'a des jours où j'ai envie de tout jeter par la fenêtre. Surtout les hypocrites, les langues de vipère et les traîtres. À force de trop parler, y'a plus de temps pour réagir. On voit les années défiler, défigurer notre avenir. J'suis un gros buveur mais pas un sniffer de coca. J'aime bien quand ça pétille mais pas du jus dans ma vodka. J'ai un putain d'appétit mais un trop petit estomac. Et j'me réveille l'après-midi souvent avec la gueule de bois. J'avoue j'abuse mais j'assume sur la tête de ma rhum. Qu'est-ce que j'fous à blé-blé si toutes les routes mènent à Rome. Y'a pas de romance dans ma rue, y'a que de la délinquance. Y'a pas de sentiment que du huc. L'amour s'est barré en vacances. L'amitié qu'est-ce que c'est devant du cash ou un que j'ai. Y'a plus de valeur, le respect m'a mis un crochet. J'ai plus confiance en l'être humain, putain d'instinct animal. C'est la guerre entre voisins et pour rien on se fait du mal. J'ai une entrée gratis pour le bal de la décadence. Tout le monde défonce dès sur la piste, y'a plus personne qui danse. Le futur me rend triste, je repense à mon enfance, à tous mes actes et ces bêtises commises en toute innocence. Y'a des jours où j'ai envie de tout jeter par la fenêtre.